clean my act up. You ain't dirty. You ain't here to party. Yeah, bon. Tenez nos mains, ça va passer là, jeune gars. Va y couper mon guide. Téléphone absonné. Monsieur, ça va faire là, ça va faire là. Backstage. A fait qu'on part direct, moi viens régler là. Hey! Nous chauffer. Hey! Est-ce que paré? Hey! Ça que paré à aller. Si on m'a dit qu'on nous dit que nous allons mal, la fois qu'on va se faire, on va tomber. Frérot, si tu as obligé. Si on m'a dit qu'on nous dit que nous allons mal, la fois qu'on va se faire, on va tomber. Ça que là. Yo annoncé que j'en ai joué, tout fanatique mobilisé, club non chargé, pas qu'à rentrer, circulation est en bloqué, pas ni longtemps, nous commençons, fanatique mobilisé, tout le monde qui l'a y a qu'à crier. Je t'ai chanté et des brèlets de bris soufflés. Fanatique comme dans ce jazz là, levez des mains en l'air pour nous balancer. Répétez. Fanatique comme dans ce jazz là, levez des mains en l'air pour nous balancer. Filine c'est l'allié. Fanatique comme dans ce jazz là, levez des mains en l'air pour nous balancer. Filine montez qu'on va tomber. Mon yam chauffé y'a transpiré. Incrédule et débouche bée. Nous pas penser nous t'aimons. A peine deux ans, nous guénam joué. Fanatique mobilisé. Tout le monde qui l'a y'a qu'à crier, de qu'à chanter, et de brêler, de vie souffler. Fanatique comme dans ce jazz-là, levez des mains en l'air pour nous balancer. Répétez. Fanatique comme dans ce jazz-là, levez des mains en l'air pour nous balancer. Filine, c'est l'allié. Fanatique comme dans ce jazz-là, levez des mains en l'air. Quitte qu'on va manger tout poussé. Go-go. Je m'a chanté. Filine, compagne, non, mais nous liés. Qui t'es tout pas marché. Sac pas contre mettre un baguette. Gracia de la dimanche, compas. C'est quoi ce je tiens qu'à danser. J'en ai suivi. Tout le même changé. Je bout à bout son superstar. Ils ont vous midi. Et puis qui t'es compas. C'est quoi faire? On a black man, let's get it done, man. This shorty saw he's so hot, so smooth, just a little bit. Do the booty, yo. Sexy lady, move around, shorty. Everybody just pick up, move around, just pick up, shake that ass, just pick up. This is Kumpa time, it's our time to shine on the sexy lady. Your body, girl, yo, shorty, makes the fellas move it up. like it, makes the fellas go. If you like it, your body, girl, yeah, makes the fellas go. Okay, your ride, girl, makes the fellas go. We in the club and we drunk as hell. Tomorrow I wanna wake up with a story to tell. Coupe playing, man, we like the holler, man. Fools in the club, we got it poppin'. This is corporate time. It's our time to shine on the sexy lady. They know we don't play around. Move around, shut it. Yeah, sexy lady. Cool head, get it poppin', man. It goes on and on and on and on and on. Yeah, that's how we do it. 2006, we got it like, yeah. Billy Beast in the club, man. Shake that ass, huh? Everybody just pick up, pick up. Move around, just pick up, pick up. Shake that ass, just pick up, pick up. We in the club, man. Move that thing, just shake it. 2006, Billy, you got it right, man. Yeah, we'll soon come back. Obligé. Il va mal de fridge. Tenue de guerre.